AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Est-ce que tu te rappelles de comment était Sam ? Ah oui, je m'en souviens bien. Il était plutôt beau. Il était préoccupé. Pourquoi il était préoccupé ? Parce qu'il voulait vivre. Quand il avait 18 ans, il était plutôt dans une jeunesse un peu mouvementée ou excessive, où il faisait des soirées, où il ne cherchait rien à l'école. Où... Et puis il a été chopé par la Gestapo dans ce mouvement-là, quoi. Donc on voit vraiment qu'on a affaire à quelqu'un qui ment pour survivre. En tout cas, c'est très improbable qu'il était seul, parce que seul, on ne survit pas à Auschwitz. Se souvenir de Sam, une série d'Antoine Tricot réalisée par Séverine Cassard. Troisième épisode, Auschwitz. Il avait tout de même évoqué une fois, l'air détaché, une scène si affreuse qu'elle en était presque incroyable, de déportés alignés devant différents breuvages qu'ils étaient obligés de boire. Il prétendait avoir choisi ce qui ressemblait à de l'alcool et avoir été ainsi sauvé. Tout ça avec des airs de galéjade. Une autre fois, c'était la terrible marche sur une route glaciale. Les SS transféraient les survivants d'Auschwitz dans un autre camp. Je suppose qu'il s'agissait de l'avancée des Russes. Sam me dit seulement qu'il voulait s'arrêter sur cette route épouvantable, mais qu'un homme extraordinaire l'obligeait à marcher, marcher, et le faisait avancer en lui récitant des poèmes et en lui donnant des claques. Cet homme est mort à l'arrivée. « Je ne lui ai même pas donné mon bout de pain », m'a dit Sam. L'arrivée des soldats américains a libéré les survivants de ce nouveau camp. Ils auraient été installés dans un château où on les aurait bourrés de mangeailles. Inutile de dire ce qui est arrivé. Mais survivant parmi les survivants squelettiques, Sam avait trouvé dans la cave du château des bouteilles de vin, d'alcool. Boire, jusqu'à la soûlerie. Il dit que ça l'a sauvé. Je ne questionnais pas. J'écoutais. Sam, Alice Colanis, Les Temps modernes, numéro 599, 1998. Si on se met vraiment dans cette posture de l'historien détective, il y a plein d'indices. Il y a Auschwitz, donc en fait, il faut aller creuser là-bas. Les marches de la mort. Évidemment, avant Auschwitz, il y a toute une trajectoire de déportation. Et puis, c'est intéressant, en fait, il y a deux fois l'alcool qui revient. Donc, quel rôle joue l'alcool dans sa vie ou dans sa survie? C'est très intéressant. Donc ça, c'est juste des premières choses très intuitives qui me viennent. Mais je pense que notre rapport à l'archive, donc comme moi, en historienne, je vais dans l'archive, c'est très intuitif, en fait. Évidemment, on commande des cartons où on va dans une archive en espérant de trouver ce qu'on cherche. Très souvent, ce n'est pas le cas. C'est très frustrant. Mais il y a des bribes où il y a des choses qui nous parlent et qui nous interpellent. Et c'est très subjectif et c'est intuitif. Donc, je pense qu'il faut poursuivre les pistes. Et puis, très souvent, revenir sur des choses, revenir sur des questions, revenir sur aussi des hypothèses qui sont peut-être bonnes ou pas bonnes. Donc, en fait, c'est un travail en plusieurs étapes et couches. Elissa Mailander est historienne spécialiste du nazisme. J'ai suivi ses cours il y a 15 ans, quand j'étais étudiant en histoire. Depuis, nous avons travaillé ensemble sur ces questions. Et c'est donc naturellement que je lui ai demandé de l'aide pour avancer dans mon enquête sur Sam Mandelbaum, cet ami de ma grand-mère, peintre d'origine juive polonaise. Mes premières recherches m'ont permis de découvrir le monde dans lequel il a grandi, celui de l'immigration artistique yiddish de Montparnasse dont faisait partie son père, le peintre Ephraim Mandelbaum. Mais ce monde a été détruit par la Shoah. Les parents de Sam ont été assassinés à Auschwitz durant l'été 1942. Sam lui aussi a été déporté à Auschwitz, mais plus tard, en 1944. C'est en tout cas ce que ma grand-mère avait noté dans l'article qu'elle lui avait consacré en 1998 et qui me sert de point de départ pour mon enquête. Avec Elissa, j'essaye de trouver comment reconstruire le parcours concentrationnaire de Sam. Trouver une personne dans des archives, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Encore faut-il savoir si la botte de foin existe. À Auschwitz, je pense qu'il y a des parties qui sont préservées et des parties qui ont été détruites par les SS. Donc, les SS commencent à partir de printemps 1944 à évacuer successivement les camps à l'est. Ça veut dire qu'ils détruisent des documentations parce qu'évidemment, ils ne veulent pas du tout laisser des preuves du crime. Mais je pense à Auschwitz, bon, il y a aussi des équipes très compétentes qui pourront te conseiller, mais on n'a pas la documentation pour toutes les personnes déportées et tuées ou celles qui ont survécu à Auschwitz-Birkenau. Je pense qu'on ne peut pas faire une histoire sur les déportés uniquement avec des archives nazies, donc... administratif. Donc évidemment, ces archives donnent énormément d'informations précieuses, mais il faut aussi, si on veut saisir le vécu, là, il faut compléter ces archives avec des témoignages dans le contexte d'une investigation ou d'un procès, ou des témoignages autobiographiques, mémoires, mais aussi d'histoire orale, tout ce qu'on peut avoir. Et évidemment, toutes ces voies sont... partielle et fragmentaire, mais c'est néanmoins indispensable de tenir compte de cette polyphonie qui rend la recherche très très difficile et très complexe. C'est très improbable qu'il était seul, parce que seul, on ne survit pas à Auschwitz, parce que tout détenu, à un moment donné, a des problèmes de santé, tombe malade, et donc de sortir de ces situations-là, il faut d'autres personnes qui font des gestes, qui amènent, je sais pas, un bout de pain, qui partagent un bout de savon, qui sont prêtes à aider. Et donc, il y a plus de chances qu'il y a des survivants et surtout, il y a des gens qui laissent des traces. Je pense que la marche de la mort est très importante. Si tu arrives à vraiment identifier l'exacte marche, quelle date, quel trajet, tu pourras aussi identifier peut-être des personnes qui étaient avec Sam dans cette évacuation. Mais il reste la question, où est-ce qu'il a été avant ? Où est-ce qu'il a été arrêté, pour quelles raisons, avec qui il a été déporté. Et puis, pour Auschwitz, je pense que c'est très important de savoir où est-ce qu'il a été interné, dans quelle partie du camp, dans quelle baraque, avec quelle personne, etc., etc. Pour tenter de répondre à ces questions, je me rends au mémorial de la Shoah à Paris. L'organisme est l'héritier du Centre de documentation juive contemporaine. Depuis 1943, il s'est efforcé de sauver de la destruction les archives permettant de documenter la persécution des Juifs. Le mémorial est donc devenu aujourd'hui le point de départ pour toute recherche sur une personne déportée en France. En me rendant dans ce bâtiment moderne, en plein cœur de l'ancien quartier juif parisien proche de la place Saint-Paul, je passe devant le mur des déportés, sur lequel figure le nom de Samuel Mandelbaum, arrêté et déporté en 1944. Dans la salle de lecture sous les toits, je trouve une fiche au nom de Sam qui provient du fichier du camp de Drancy, par lequel il est passé avant sa déportation à Auschwitz. Ce qui est étrange, c'est qu'elle comporte deux adresses différentes, dont une barrée. L'une dans le 14e arrondissement de Paris, au 16 bis rue Bardinet, l'autre dans le 18e, au 21 cité Durel. Karen Taïeb est responsable des archives au mémorial. Avec ses équipes, elle conseille et guide les personnes qui, comme moi, recherche des traces des survivants et des disparus. Alors moi, je ne connais pas l'histoire de Samuel Mandelbaum, je ne connais pas ses adresses, etc. Mais si je vois une fiche comme celle-ci, moi, l'explication que je pourrais donner est la suivante. Il faut comprendre que ce fichier du camp de Drancy, ça a été utilisé après la guerre comme le fichier central qui permettait de répondre aux recherches des familles quant à l'arrestation, l'internement des Juifs de France. J'imagine que quand il s'est adressé, puisque Samuel est rentré de déportation, je le sais parce qu'il est porté ce L majuscule rouge sur l'affiche, donc ça veut dire qu'il a été libéré, et au verso de l'affiche, il y a des mentions de sa libération. C'est-à-dire que Samuel Mandelbaum s'est adressé au ministère des prisonniers de guerre et rapatriés. Il a déclaré qu'il était rentré d'Auschwitz où il portait le matricule A5247. Toutes ces informations-là, elles sont portées d'après-guerre et elles sont datées. D'ailleurs, on voit bien qu'un certificat lui a été remis le 9 juillet 1945. Donc il déclare qu'il a été libéré le 29 avril à côté de Munich, Auschwitz, Gross-Rosen. Dachau et Mühldorf. Et là, pour déchiffrer ce mot entre parenthèses derrière, non, je ne saurais pas dire. Certificat remis. Novembre peut-être ? Non, je ne sais pas. Pendant que Karen Taïeb tente de déchiffrer l'écriture manuscrite sur l'affiche de Sam, je pense à ce numéro, A5247. Le numéro de prisonnier de Sam à Auschwitz qui devait être tatoué sur son bras. Le découvrir rend ce qu'il a vécu plus concret pour moi. Grâce à cette petite fiche, j'ai enfin des informations précises sur le parcours concentrationnaire de Sam. Je sais que son internement a commencé à Drancy, le 15 mai 1944, et qu'il est revenu à Paris le 15 juin 1945. Durant ces 13 mois de déportation, il n'a pas connu seulement Auschwitz, mais également les camps de Gross-Rosen, actuellement en République tchèque, celui de Dachau, situé juste à côté de Munich, et celui de Mühldorf, à une centaine de kilomètres de la capitale de la Bavière. Il me reste à savoir aussi quand et comment il a été déporté jusqu'à Auschwitz. Alors, vous avez là le reçu du carnet de fouilles du camp de Drancy. Donc, quand les Juifs arrêtés arrivent à Drancy, effectivement, ils sont enregistrés, donc ça va générer la création de la fiche qu'on a vue tout à l'heure, et ils vont passer à la baraque de fouilles, on leur prend leurs objets de valeur, argent, bijoux, tout ce qui vraiment a de la valeur, et on leur établit un reçu. Ce sont en fait des carnets à souche, qui sont remplis de manière manuscrite, et on va noter simplement le nom, l'adresse et la somme d'argent ou le détail des biens qui sont prélevés à l'interné, dont on ne fait que renoter son numéro de matricule à Drancy. C'est signé, daté, on lui donne son reçu, hein, et une copie carbone est conservée dans le carnet, et c'est ces carnets à souche que nous avons conservés, donc qui nous permet de confirmer la date d'arrivée au camp, qui est bien le 15 mai 44, et ce jour-là, on lui a pris les 140 francs qu'il avait sur lui. Là, c'est donc la liste originale du convoi de déportation par lequel Samuel est parti, donc la liste du convoi 74. D'après le mémorial de la déportation des Juifs de France, de Serge Klarsfeld, il y avait avec Sam dans ce convoi numéro 74, 565 hommes, 632 femmes, dont 191 enfants. Seuls 49 hommes et 104 femmes survécurent. Sur Internet, je trouve plusieurs documents sur le site des archives de Bad Arolsen, ce centre de ressources sur les persécutions nazies financé par l'Allemagne. Ces dernières années, il a mis une grande partie de ses collections en ligne. Grâce à cela, j'apprends que Sam est resté à Auschwitz, jusqu'aux marches de la mort de janvier 1945. Il est ensuite arrivé à Dachau, le 28 janvier, où il est enregistré sous le numéro 140126. Trois semaines plus tard, il a été transféré au camp de Mühldorf. Par contre, les archives du camp de Gross-Rosen n'ont pas gardé de traces de Sam. Il est probable qu'il y soit passé lors de son transfert entre Auschwitz et Dachau. Malgré ces dates, je ne sais toujours pas précisément ce qu'a vécu Sam durant tout ce temps. Qu'a-t-il perçu à Auschwitz de l'extermination de plus de 400 000 juifs de Hongrie entre mai et juillet 1944 ? A-t-il entendu le 7 octobre de la même année l'explosion du crématorium 4 de Birkenau lors de la révolte des Onder Commando chargés d'incinérer les morts ? Tal Brutmann est historien, spécialiste de l'histoire d'Auschwitz. Lors d'un de ses passages à Paris, il a accepté de regarder avec moi tous ses documents pour mieux comprendre ce qu'a traversé Sam. Tal Brutmann, Sam Mandelbaum arrive dans le convoi 74 à Auschwitz le 23 mai 1944. Qu'est-ce qu'il voit à Auschwitz en arrivant ? Il y a de fortes chances qu'il n'ait rien vu du tout, ni lui, ni aucun des quelques 1200 autres qui sont arrivés avec lui, pour une raison très simple, l'immense majorité des convois arrivent de nuit à Auschwitz, les convois de juifs. Et donc, contrairement à ce qu'on se représente, notamment à cause des célèbres photos qui circulent depuis quasiment 7 décennies, qui montrent l'arrivée de convois à un moment très précis, où là on voit tout, puisque forcément les photos sont prises de jour, L'immense majorité des victimes juives d'Auschwitz n'ont jamais vu Auschwitz à leur arrivée. Pour celles qui ont été immédiatement assassinées, n'ont jamais su où elles étaient, ni perçu la topographie du site où elles étaient. Si on prend Simone Veil, par exemple, pour la France, ou Primo Levi, qui est sans doute le plus grand de tous les témoins de la Shoah, pour Auschwitz, Primo Levi et Simone Veil expliquent qu'ils arrivent de nuit, et Levi écrit que les femmes, les enfants et les vieillards qui étaient avec lui, qui ont échappé à la, enfin, qui n'ont pas franchi la sélection, ont été engloutis dans la nuit. Et il faut vraiment entendre le englouti dans la nuit, dans sa pleine signification du terme, c'est pas juste une formule poétique, ou littéraire de Levi. Ils ont été happés par la nuit parce qu'on arrive de nuit. En arrivant, Sam passe la sélection. Ça veut dire qu'il entre dans le camp d'Auschwitz. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? Comment les gens deviennent finalement des détenus de ce camp de concentration à Auschwitz? En fait, quand il franchit la sélection, il rentre dans le camp, et il faut vraiment l'entendre au sens physique du terme. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas franchi la sélection, l'immense majorité des gens de ce convoi, comme de tous les autres convois de juifs, ne rentrent pas dans le camp, ils sont acheminés vers les chambres à gaz, ils longent le camp, puisque à la période où ils arrivent, ils passent par la gare qui est fichée entre deux secteurs du camp. Et Sam et les autres hommes qui sont avec lui, puisque les femmes sont... En fait, on a une stricte séparation entre femmes et hommes. Donc les femmes ont sans doute été enregistrées avant, ou peut-être éventuellement après, mais par groupe de femmes. À partir de là, les gens qui sont destinés à devenir des prisonniers cheminent à l'intérieur du site concentrationnaire à proprement parler, et sont envoyés vers un bâtiment qui lui aussi vient de rentrer en activité à partir de début 1944, qui est appelé le Zentralsauna. Les gens arrivent, se déshabillent, sont enregistrés, se voient attribuer un numéro de matricule, enregistré administrativement. Ils sont ensuite rasés, ils subissent une douche. Enfin, le terme de douche n'est pas tout à fait conforme à ce qui se passe vraiment. On leur balance de l'eau froide ou glacée ou bouillante, selon l'envie des SS. Éventuellement, on utilise de l'insecticide, et puis ensuite on les tatoue. Et au final, on leur fournit des vêtements à la sortie. Et une fois ressortis de ce bâtiment, les hommes comme les femmes deviennent des haftlings, autrement dit des prisonniers du camp. C'est vraiment un processus de déshumanisation. On a très longtemps été focalisé sur l'idée de déshumanisation, au point de perdre de vue que si on met le tatouage à part qui est propre à Auschwitz, l'enregistrement... Toutes les opérations qu'on va, avec plein de guillemets, qualifier de sanitaires ou hygiéniques, même l'attribution d'un matricule et du pyjama, comme l'appellent les détenus, au Troisième Reich, en fait, on a oublié que la tenue rayée, c'est celle des pénitenciers depuis la Russie tsariste du XIXe siècle, en passant par la France qui envoie Dreyfus sur l'île au diable, et par les États-Unis ou dans les pénitenciers, si vous regardez les photos du XIXe siècle, vous avez la même tenue. En fait, il y a énormément d'aspects du système concentrationnaire qui découlent de l'histoire et des civilisations, on va dire, européennes du 19e, qui ont été réinjectées par les nazis. Et donc cette idée de déshumanisation, il y a des historiens qui ont montré cela, ça repose pas sur la déshumanisation. La déshumanisation est déjà inscrite avant. Ensuite, dans le fonctionnement du camp, oui, vous avez la déshumanisation. Vous rentrez dans un nouvel univers, qui est très particulier, évidemment, et ça, c'est le point d'entrée. Sam, comme tous les autres juifs à l'époque, arrive au camp dit d'Auschwitz de Birkenau, c'est-à-dire le plus grand des camps du système Auschwitz. Et en fait, il va être affecté à la Bahnhof, qui est à côté d'Auschwitz 1, qui existe quasiment depuis fin 1940, et qui est l'entrepôt de construction qui est utilisé par le site d'Auschwitz pour tout un ensemble de tâches, à la fois la construction de l'ensemble concentrationnaire et la construction des usines. Et c'est réputé être l'un des commandos les plus durs, tout simplement parce que c'est du travail de force. Il faut débarrasser les trains qui amènent du matériel ou les camions qui amènent du matériel, les entreposer, puis faire l'opération inverse au gré des besoins. Donc c'est vraiment un lieu où il y a du travail de force. Et la survie de Sam Mandelbaum comme d'un ou d'une autre, on ne peut pas l'expliquer à moins d'avoir son témoignage ou le témoignage d'un co-détenu qui expliquerait comment. Il est dans un commando très dur, ça c'est une certitude. Sans doute réussit-il à se procurer de la nourriture, notamment, et ça c'est l'argot du camp d'Auschwitz, en organisant, c'est-à-dire organiser, ça veut dire voler, mais réussir à chaparder en troquant, etc. Donc sans doute réussit-il à organiser de la nourriture, ou il bénéficie de rations supplémentaires, on peut pas savoir. Parce que l'idée des SS, c'est qu'on peut utiliser les juifs pour la main-d'œuvre. Et c'est le cas de ceux qui sont sélectionnés, qu'il s'agisse de Sam, qu'il s'agisse de Simone Veil, qu'il s'agisse de Ginette Kolinka. Mais leur perception de cette main-d'œuvre-là est que c'est une main-d'œuvre qui est d'abord n'est jamais destinée à sortir d'Auschwitz, est destinée à disparaître à Auschwitz, donc elle est là pour un temps très bref. Et d'autre part, si Sam Mandelbaum meurt, il sera remplacé par un autre Sam Mandelbaum. En tant qu'individu, n'a aucune importance. Et là, on touche du doigt sur l'idée de déshumanisation. Sam Mandelbaum n'existe pas. Il est là pour être utilisé jusqu'au moment de sa mort. Donc la survie n'est pas liée à la nécessité qu'on accole à son travail. C'est pas la volonté des SS de le maintenir en vie, c'est plutôt sa volonté de rester en vie. Et sa volonté, on peut même la voir dans les documents administratifs. On voit que quand il arrive à Dachau, et c'est sans doute déjà le cas à Auschwitz, parce que les documents partent en général d'un camp à un autre, il se déclare comme étant fils d'une Française arienne. Autrement dit, il essaie, pour survivre, de nier le fait d'être un juif complet, si on reprend le vocabulaire nazi. Il ne serait qu'un Mischlinge, c'est-à-dire un bâtard de juif. Pareil, je traduis les termes nazis. Et pour lui, c'est un moyen d'essayer de survivre. Et il déclare aussi qu'il est né à Lorient, en France, alors qu'il est né à Gribau, en Pologne du Sud, en Galicie. Exactement. Donc on voit vraiment qu'on a affaire à quelqu'un qui ment pour survivre. On a passé 5 jours dans ces wagons à bestiaux et nous sommes arrivés à Auschwitz. On nous a tous tatoué un numéro sur le bras. Le mien, c'est le numéro A11886. Et pour avoir le lendemain, pour avoir ma ration de pain, il fallait que je le dise en allemand. Alors, j'ai pas été long à l'apprendre, bien sûr, parce que bon, il fallait quand même essayer de manger. J'avais 21 ans. Et puis alors après, j'ai été affecté tout de suite dans un commando de terrassement. J'ai échappé à 2 sélections, malgré que j'étais porteur de lunettes. Mais enfin bon, j'étais jeune, c'est probablement pour ça qu'ils m'ont gardé. Alors comme l'été 44 avait été superbe et que nous faisions du terrassement, il faisait beau. Bon, on était bien bronzés, j'ai pu échapper, bien entendu, à la prise du numéro, parce que celui qui était, dont on prenait le numéro, était condamné. Ce témoignage de Jean Dreyfus a été diffusé en avril 2000 sur France Culture dans l'émission Radio Libre. Il est arrivé dans le convoi 75 à Auschwitz, 10 jours après Sam. Il avait le même âge, mais il n'était pas dans le même commando. Je me demande comment Sam a pu passer ces mêmes sélections, dans lesquelles étaient envoyés aux chambres à gaz les détenus qui n'étaient plus en état de travailler. Était-il bronzé, lui aussi, après l'été 44 ? Avait-il appris à parler allemand ? Sans témoignage de sa part, on ne saura jamais directement, mais certains témoins ont probablement des expériences proches de la sienne. Avec l'aide de l'historienne Constance Paris de Bollardière, j'ai fait des recherches dans le fond de la Visual History Archive. Cette grande collecte a commencé dans les années 90, à l'initiative du célèbre cinéaste américain Steven Spielberg. Aujourd'hui, elle compte plus de 51 000 témoignages, et elle est consultable en France, en particulier à l'Université américaine de Paris. J'y retrouve le témoignage en allemand d'un certain Werner Babb. Comme Sam, il a été dans le commando du Bauhof. Il se souvient comment, à force de décharger des sacs de ciment sous la neige, leurs vêtements devenaient de plus en plus rigides, au fur et à mesure que la poussière de ciment mouillé se transformait en béton. Henri Graff témoigne lui en français. Il est arrivé par le même convoi que Sam. Il raconte la violence des gardiens pour les briser durant les premières semaines de quarantaine. Il raconte aussi comment il avait l'impression que ce qu'il vivait ne lui arrivait pas à lui, mais à un double dont il se détachait progressivement. Beaucoup de témoignages racontent la fin du camp d'Auschwitz, que Sam a également vécu. Ce moment où les nazis transfèrent de la main-d'œuvre déportée dans d'autres camps pour poursuivre l'effort de guerre contre les alliés. En parallèle, à partir de la fin de l'année 44, des déportés encore en vie dans les camps de l'Est de l'Europe sont rapatriés à l'intérieur du Reich face à l'avancée des soviétiques sur le front de l'Est. En ce qui concerne Sam, il est évacué à la mi-janvier 1944 dans les marches de la mort. Alors, ce mouvement-là, il appelait les marches de la mort. Les prisonniers ont dû, selon les destinations vers lesquelles ils ont été acheminés, ont dû franchir de quelques kilomètres, à quelques dizaines de kilomètres à pied, avant d'être embarqués dans des wagons, souvent des simples plateformes qui les protégeaient absolument pas de l'hiver effroyable 1945, et transférés vers d'autres camps, avec des taux de mortalité qui vont jusqu'à 75% parfois selon les groupes. Et lui finit par échouer à Dachau, et à nouveau avec quelque chose de très particulier, puisqu'il va être affecté avec des milliers d'autres juifs vers un système de sous-camps qui se satellise autour de Dachau, qui est le système des sous-camps de Mulldorf, qui est jumeau avec un autre système de sous-camps qui s'appelle Kofring, qui sont tous deux réservés quasi exclusivement aux juifs et qui ont tous deux pour mission de construire des usines souterraines d'armement. Là, il fait de la construction directe. Autant quand il est à Auschwitz, il est dans une sorte d'entrepôt où on distribue du matériel, où on collecte du matériel, autant à Mulldorf, il va faire du travail de force de construction. Travail de force qui va être hautement meurtrier pour quasiment plus de 50% des juifs qui ont été envoyés là. Et selon les documents qu'on a au mémorial de la Shoah à Paris, on voit que Sam est libéré le 28 avril 1945 à Mulldorf par les Américains, qu'il arrive le 15 juin 1945 à Paris. Il a donné à ma grand-mère ce souvenir où il est dans un... Les Américains le laissent dans un château où ils ont... Lui et ses co-détenus libérés énormément à manger, et lui choisit de picoler dans la cave du château, et il dit que c'est ce qui lui a sauvé la vie. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la trajectoire entre le 28 avril où il est libéré et le 15 juin où il est arrivé à Paris? C'est extrêmement difficile parce que chaque rescapé va avoir un itinéraire très différent. Il y a des rescapés, par exemple, qui vont être libérés par les soviétiques puisqu'ils vont être dans les camps de l'Est. Et ils vont transiter par Odessa en bateau jusqu'à Marseille avant d'être réacheminés vers Paris. Pour vous donner un exemple, d'autres vont arriver en avion à l'aéroport du Bourget. D'autres vont... Il y a le cas d'un des plus jeunes rescapés de France. Le plus jeune, il a 11 ou 12 ans de mémoire. Il s'échappe pendant les marches de la mort. Il vient à pied, il franchit le Rhin à pied, il arrive en France durant l'hiver 1945. Donc il n'y a pas un exemple, et à nouveau, alors évidemment en histoire c'est toujours la même chose, mais dans ce chaos-là, le chaos de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la découverte des camps, d'une situation qui est extraordinaire au sens dont on n'a jamais eu à traiter d'un point de vue médical ce type de cas de figure, on retrouve plein d'histoires différentes. Lui raconte qu'il a picolé, que ça lui a sauvé la vie. D'autres vont mourir tellement ils vont manger. Et en fait, on ne sait pas soigner ces gens-là à ce moment-là. Non seulement on ne sait pas les soigner, mais en même temps, le chaos de la guerre fait que pour les ramener en France, il va s'écouler des semaines, parfois des mois, entre le moment de la libération et le moment où il y a un train qui est disponible ou un camion qui est disponible pour les ramener parce que leur état physique permet d'être ramené. Est-ce bien Marie-Rose, comme le dit ma grand-mère, qui est venue chercher Sam quand il est rentré de camp? Au fur et à mesure de ma recherche sur les camps de concentration, je vois qu'elle n'avait qu'une petite partie des informations et qu'elle s'appuyait surtout sur les souvenirs de ce que Sam ou Marie-Rose lui avaient raconté. Pour le savoir, je dois me lancer sur les traces de Marie-Rose. Elle semble capitale dans l'histoire de Sam. Mais je n'ai même pas son nom. Je vais donc devoir aller fouiller un peu plus consciencieusement dans les papiers de ma grand-mère. C'était « Ce souvenir de Sam ». Troisième épisode, Auschwitz. Avec Elissa Mailander, Karen Taïeb et Tal Brutman. Lecture, Hélène Losseur.